comptable. Blond. 5 pieds 9. Familial rouge. 4 cylindres. 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech. 62 des chaînes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Pour un 2 heures de bon rock progressif, on a plusieurs nouveautés pour vous ce soir. On aura, comme le mentionnait Vincent il y a quelques minutes, on aura un extrait de l'heptade pour terminer l'émission, le nouveau l'heptade Excel là, qui a été remixé et remasterisé pour faire une transition avec l'autoroute. On aura également plusieurs nouveautés qui sont pas des rééditions, mais bien de nouveaux groupes. On a un extrait du nouveau Tiles. On aura un extrait du nouveau Airbag. On aura également un extrait du nouveau Gustav Berling's Saga. Ça, c'est de la Suède. Et l'album va paraître au mois de décembre. On aura également un second extrait du nouveau Eris Pluvia de l'Italie. Et on aura un second extrait de Ingranaggi della Valle également. Et on aura une pièce de Stickman, un nouveau disque. On aura une pièce inédite de Cirrus Bay. On a plusieurs excellentes pièces donc pour vous ce soir. On a également, oui, Professeur Tip Top, qui est un groupe, c'est rigolo, un groupe de la Norvège. Mais pour débuter, on a un groupe du Brésil, le groupe Violeta di Otono. C'est mon coup de cœur découverte de la semaine. Et leur album Spaces, c'est leur 7e album. C'est un groupe qui roule depuis la fin des années 80 et ils ont un son qui est assez Canterbury, mais qui fait aussi beaucoup de références au gang un peu plus planant, à la période par exemple de Flying Teapot ou You par endroit. Et dans cette première pièce, premier extrait qu'on entendra ce soir, que j'ai choisi pour vous, ben on entend pas mal une bonne idée de ce que nous offre Violeta di Otono avec la pièce Imagines, et on suit ça avec Ostsonaten. Ostsonaten est leur plus récent album Cupid and Psyche. C'est donc avec Fabio Zuffanti, et comme vous le savez, il sera au Festival Terra Incognita le 21 mai 2017, et les billets sont en vente pour nous présenter justement cet album Symphony No. 1, Cupid and Psyche, et également The Rime of the Ancient Mariner et d'autres pièces de Ostsonaten. Donc on aura qui suivra Violeta di Otono, et ensuite, comme je le disais, Ingranaggi della Valle, un second extrait de leur nouveau disque Warm Spaced Blue, un album plus expérimental et également chanté en langue anglaise, ce qui est différent donc du premier qui était en italien. Alors on y va tout de suite avec cette découverte et nouveauté de la semaine, Violeta di Otono. Thank you. We'll be right back. das wie eine Ewigkeit scheint, aber doch nur ein Augenblick ist. Das Leib von ihrem neuen Liebsten verliert sich in einer endlosen Umarmung, weggerissen von den schwarzen Fluten vom Fluss. Aber du bist unterwegs zu den Baumkronen, schmückt von Tautropfen, du kennst das Schicksal, das dich erwartet. C'était l'excellente musique du groupe italien Ingranaggi della Valle, leur plus récent album Warm Spaced Blue et la pièce Intal. Et, franchement, il faut l'écouter cet album-là, il est subtil, il est intéressant, très différent du premier. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier et c'est sur l'étiquette Black Widow de l'Italie, c'est... On a fait jouer une pièce il y a deux semaines, je crois, avec Michel, et c'est un bon album, ou la semaine dernière, oui. Et donc, on avait justement Ostsonaten de l'Italie. Donc, c'était deux bons groupes italiens. Ostsonaten avec Fabio Zuffanti, qui sera du Festival Terra Incognita 2017, le 21 mai, au Centre d'art La Chapelle. Les billets sont en vente. Alors, il y aura également, cette journée-là, le groupe du Royaume-Uni, Comedy of Errors, et de l'Italie, Il Paradiso degli Orchi. Et également, le samedi, il y aura de Québec, Universe Effects. Il y aura également des États-Unis, Eden Song, et évidemment des États-Unis également, Glass Hammer, qui ont préparé un spectacle spécial pour le festival Terra Incognita. Donc, c'est à ne pas manquer. Ça va être le 20 mai prochain. Parlant de spectacle, il y a des choses intéressantes qui s'en viennent, dont de GG Project, un groupe de Québec qui fait du Gentle Giant le 7 janvier au Centre d'art La Chapelle. Il y aura également le groupe Red Sun qui présente un spectacle au Centre d'art. J'ai pas la date exacte. C'est à vérifier. Il y aura également, dans les shows prog, ils ont annoncé IQ, déjà, dont on a parlé à plusieurs reprises, et Anglagarde. Alors, ça, ces deux spectacles-là, ça sera à la salle Jean-Paul Tardy du Collège Saint-Charles-Garnier, une salle nouvellement rénovée. Il y a également ce qui a été annoncé, qui est pas mal intéressant, Aldi Meola au Palais Montcalm le 24 février, il me semble, et ça aussi, les billets ont été mis en vente aujourd'hui. Alors, on y va en musique maintenant avec d'autres nouveautés. Oui, on avait débuté avec Violetta di Otono. Ça, c'était, vous avez vu, style Canterbury, jazzé, des clins d'œil à plein de bonne musique avec une basse bien ronde, comme le font souvent les groupes brésiliens. Et on poursuit en musique avec une nouveauté de Gösta Berling Saga avec le claviériste qu'on a vu avec Necromonkey récemment. Sir Sophane, c'est leur nouvel album, leur quatrième, qui va paraître le 16 décembre, mais il y a une première pièce, un premier extrait qui a été publié par Gösta Berling Saga, Sir Sophane, donc la pièce titre. On débutera avec ça. On aura également un second extrait de Eris Pluvia, leur nouvel album de l'Italie, tiré de Different Earth, et la pièce Rain is Falling. Alors, allons-y tout de suite en musique avec Gösta Berling Saga. rain is falling on the sea, and the tide goes up and down. Big earthquakes everywhere, floods arriving in the town. Look at the dawn light, look at the dawn light, look at the dawn light, look at the dawn comes the sun, glaciers all melting along the seas, tropical rains and hurricanes, mankind destroying Mother Earth. Tall chimneys blacken the sky, in the strong waste, sprayed in poison. Can't you see? I don't believe. Where do we go? Open your eyes, yeah. Falling from the skies, how it lives goes up and down. Just thinking day by day, not to have a wise future life. Look at the dawn light, look at the dawn light, look at the dawn light, look at the dawn light, look at the dawn light, look at the dawn light, look at the dawn light, look at the dawn light.

Et celui-là, ben, je suis un peu déçu, là, je vous dirais, Different Earth. Bon, peut-être qu'il faut que je l'écoute un peu plus, là, mais disons que Rings of Earthly Light était, je pense, supérieur. Mais quand même, il y a des bonnes pièces. On a écouté Rain is Falling de cet album. Alors, on poursuit avec une autre nouveauté, Airbag. Bon, que c'est paru cette année. Airbag, qui est un groupe de la Norvège, et c'est leur quatrième album en carrière, Disconnected. Et il y a le nouveau numéro du magazine Prog Resist, un magazine belge avec lequel on est associé. Donc, dans le numéro 86, on a les compilations pour les indispensables. Également, une compilation qui nous est fournie par le Classic Rock Society. Et bon, c'est un magazine qui chronique beaucoup d'albums, des coups de cœur. Donc, Airbag, ce plus récent album. Il y a dans leur coup de cœur le Anima Mundi, Big Big Train, Deus Ex Machina, Brian Eno, Meridian Fear, les New Keepers of the Water Towers, oui, Rob Reed. Et bon, donc on fait des découvertes comme d'habitude, et c'est intéressant de lire les chroniques dans ce magazine. Et donc, en lien avec les compilations, mais la pièce Airbag est fournie sur les deux compilations. C'est la pièce Killer, donc, de leur plus récent album qu'on écoutera. Et ça sera suivi de Sirius B. Sirius B est leur c'est un groupe américain. Et leur participation au projet Decameron, 10 Days in 100 Novellas, Part 3. Il y a plein de superbes bonnes pièces dans ça, donc, dont cette pièce de Sirius B, The Night's Tale, qui suivra juste après Airbag. Alors, on y va tout de suite en musique avec Airbag.

le groupe américain Tiles, tiré de leur plus récent album Pretending to Run. C'est leur sixième album en carrière. Et c'est un album d'ailleurs qui a été chroniqué dans le magazine Terra Incognita, le numéro précédent, le numéro 46. Et c'était la pièce Friend or Foe. Juste avant, on avait eu... qu'est-ce qu'on avait eu? Laissez-moi regarder tout ça. Et... voilà, c'était Sirius B, voilà, c'est ça. C'était tiré de Decameron, 10 Days in 100 Novellas Part 3. C'était une superbe, belle pièce de ce groupe qui vient de faire paraître un nouvel album il n'y a pas longtemps. Alors, on y va en musique avec une autre nouveauté de la Norvège, le groupe Professor Tip Top, tiré de leur album Exobiology. C'est leur c'est de la Norvège, je l'ai dit. C'est de leur troisième album. Ça, c'est également un extrait de la compilation New Species volume 24, volume 24, du Classic Rock Society, qui est fourni avec le magazine Progressiste. Alors, on va y aller avec Professor Tip Top, puis ensuite, on va y aller avec un album que je vous ai déjà présenté une fois en fin d'émission. Il s'agit de Mikhail Abazian and Friends, c'est de l'Arménie, et c'est un fan de Peter Emil Van der Graaf, et il a fait un album en hommage cet artiste et ce groupe. Et sur ça, il reprend une pièce qui est seulement parue en 45 tours de Van der Graaf dans les années 70, The Boat of Millions of Years, de cet excellent album. Et on va faire également, comme je le disais, une transition avec l'autoroute, avec Harmonium, tiré de l'Heptad Excel, qui est paru hier en magasin. Il y a une édition 2 CD, une édition 2 CD avec un DVD. Et sur ce DVD-là, l'image, là, c'est en noir et blanc, puis il y a des effets un peu psychédéliques qui sont bizarres, mais la trame sonore est vraiment excellente, surprenante. Puis la prestation différente de l'autre album en spectacle qui était paru, ça vaut la peine. Et ce travail magnifique, on en parlera tantôt là, ce travail magnifique avec la bande sonore qui est remixée, remasterisée, ça vaut vraiment la peine. C'est le fun d'écouter l'Heptad avec un son comme ça. On entend des subtilités qu'on n'entendait pas, surtout dans les voix. Là, moi, j'aime beaucoup les voix, puis j'adore le travail de voix. Bon, mais ça va être pour terminer l'émission, donc avec Le Premier Ciel, la superbe pièce Le Premier Ciel d'Harmonium. Et juste avant, donc Mikhail Abazian avec une pièce de Van der Graaf, The Boat of Millions of Years, mais tout d'abord, Professeur Tip Top. Horus, the son of Isis, lay in the marshes of Budo, poisoned by Set. She called out to the high god Ra to kill this evil, that her child may live yet. Casting aside her present fears, she called out on the boat of millions of years. Ra came and saw and stopped the sun until he had cured the life of the innocent. And beauty, but Set stayed in the hot desert. To him belonged all drought and perversity. And he sheds his tears beneath the bolt of millions of years, and he fights to kill the hawk, bearing with him evil and darkness. But Horus lives with the sun.

toi qui parle le feu. C'est toi qui cherche en brûlant, saigne un peu, baptise-moi la terre. C'est toi qui passe en courant, c'est toi qui nourrit la terre. C'est toi qui meurs dans ton sein. Souffle un peu, on a besoin d'air. C'est toi qui parles le courant, c'est toi le courant d'air. C'est toi qui cours en soufflant, parle un peu, on a besoin d'eau. C'est toi qui monte le courant, c'est toi qui parles le bateau. C'est toi qui sors en plein en brûle un peu, joue avec le feu. C'est toi qui allume le courant, c'est toi qui parles le feu. C'est toi qui cherche en brûle, enseigne un peu, baptise-moi la terre. C'est toi qui passe en courant, c'est toi qui nourrit la terre. C'est toi qui meurs dans ton sang. Tous les sons du premier ciel sont plus loin comme un appel. Tous les sons du premier ciel sont plus loin comme un appel. Tous les sons du premier ciel sont plus loin comme un appel. Tous les sons du premier ciel sont plus loin comme un appel. Tous les sons du premier ciel sont plus loin comme un appel. Tous les sons du premier ciel sont plus loin comme un appel.